Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et sur radio-rgb.net. Les artistes en résidence. Bonjour Volmir Cordero. Vous êtes danseur, chorégraphe en résidence. C'est une nouvelle résidence à Point commun pour les 3 années à venir, c'est bien ça ? Tout à fait. Et vous allez présenter d'ici peu de temps sur la scène du théâtre 95, donc à Cergy, votre nouvelle création. Alors peut-être juste avant d'en venir à cette création, j'ai vu que également vous étiez chercheur et en particulier vous rédigez une thèse sur les figures de la marginalité, si ça n'est déjà fait. Voilà, c'est déjà fait, c'est déjà publié et sur un livre qui s'appelle Ex Corpo. Et ça a une résonance dans votre travail de création chorégraphique ? Totalement. C'est-à-dire que mon travail de chercheur, à la fois à l'université et auprès d'autres œuvres chorégraphiques, d'autres artistes, dont le cas pour ma thèse, qui sont des artistes brésiliens, c'est un projet qui envisage justement d'aller étudier d'autres œuvres pour voir comment ces études peuvent mieux retourner sur ma création, ma manière à moi de concevoir mes processus. Alors on vous présente comme l'un des créateurs les plus surprenants, si on va le voir dans le déroulé de cette interview, c'est l'un des plus engagés et prometteurs de sa génération, et j'ai lu à votre propos dans la presse ceci au sujet d'une précédente création. Il est dit de vous, invité du festival d'automne avec la pièce Trottoir, le danseur et chorégraphe brésilien confirme son goût pour une exubérance héritée du cabaret expressionniste et de la pop culture des années 90. Est-ce que pour cette nouvelle création qui a pour titre Métropole, est-ce qu'on est dans la même veine ? Oui, je pense que oui. Forcément un peu déplacé parce que chaque projet inaugure des nouveaux éléments aussi, mais c'est vrai que l'aspect expressionniste est un outil pour moi, est une pratique et en même temps l'aspect pop il réapparaît. Sans doute pour essayer de raconter maintenant l'histoire d'une ville ou d'un habitat qui est exagéré, qui est excessif, qui est un tumulte en fait, qui est celui de la métropole. Mmh. Alors Métropole, ce spectacle, c'est une allégorie sous la forme d'un opéra dansé punk, carnavalesque et bestial. Et j'ai vu sous-titrer ce spectacle avec les termes suivants, révolution dansée. C'est à cela que vous nous invitez ? Oui, tout à fait. Alors oui, c'est avec la compagnie du batteur Philippe Foch qui joue donc la caisse claire et la grosse caisse au centre du plateau. Pour faire cette espèce de grondement un peu apocalyptique, mais sans non plus rendre hommage au désastre, mais dans l'idée de proposer quand même une problématique de la ville qui passe à la fois par la fête, par la manifestation joyeuse de corps dans la rue, mais en même temps menacée par un système de sécurité qui va souvent avec la terreur, avec la peur, avec les caméras de surveillance, qui constitue tout à fait la condition de nos corps dans l'espace public. Donc, oui, parce que ce spectacle, il a bien un propos qui est ce spectacle se penche sur la violence d'une société, de notre société, on peut dire ça, qui enferme et normalise ses citoyens pour mieux les contrôler. Et là, eh bien, s'il y a un désir de révolution s'extraire de cette société violente, c'est bien ça? C'est ça, en fait, c'est un désir de commencer à se préparer, à nous préparer pour un travail révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait faire la révolution directement sur le plateau, mais c'est beaucoup plus de déjà faire le constat d'un état de dénaturation des conditions de vie, des bonnes conditions de vie, de comment est-ce qu'on continue de mener une vie assez difficile, comment est-ce qu'on peut retrouver nos corps et les esprits et la joie dans un système qui essaye tout le temps d'encombrer la puissance vitale. Donc déjà faire ce constat pour ensuite commencer à nous préparer pour un changement de situation, pour un renversement de situation qui doit se faire d'une manière aussi physique, corporelle, de l'ordre du training. Donc j'essaie de proposer une révolution qui passe par le training, c'est-à-dire comment est-ce que je peux transformer un geste de danse dans un geste de combat. Mmh. Alors, justement, le combat, c'est aussi sur scène. Vous êtes dans un solo augmenté, ai-je lu dans votre dossier de presse, avec le musicien Philippe Foch, que vous évoquiez, qui est un percussionniste et qui avec vous, basse une pulsion vitale, transgressive et joyeuse, tout ça pour inventer une manière explosive pour résister, parce que qui dit révolution, c'est aussi dans un esprit de résistance. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est un solo augmenté dans le sens qu'on a dit, un opéra à pan, un opéra un peu endiablé, c'est dans le sens que il y aura beaucoup de costumes, il y aura beaucoup de sons, du son qui sort de la caisse claire de la batterie, le son qui vient, la bande son qui est co-construite avec Arnaud de la Selle, un autre artiste qui travaille avec nous. Il a une télé à un moment donné qui débarque avec une vidéo. Donc il a ce rassemblement des médias qui circulent avec une scénographie, avec des lumières qui sont très présentes aussi, qui vont construire cette espèce de surcharge sensorielle qui est typique de l'espace urbain aussi et qui donc peut évidemment mettre en place un système de résistance. Mmh. Mais un système de résistance qui vient dans l'idée de pouvoir resubjectiver nos corps, de pouvoir combattre cette technologie ou cette misère profonde de l'imaginaire collectif capitaliste qui nous domine et qui sature l'énergie du désir. Donc résister pour regagner le corps et regagner cette énergie du désir. Quand on parle, quand vous parlez d'une violence, de la violence d'une société, vous qui êtes d'origine brésilienne, nous pensons inévitablement au Brésil d'aujourd'hui, avec un certain Bolsonaro, comme chacun sait, qui est au pouvoir, mais c'est vrai aussi dans d'autres pays. Est-ce que ça a été une source d'inspiration forte pour vous? Très, très, complètement. Ça a été une source très puissante parce que justement, quand je parle de cet état de dénaturalisation ou de compréhension d'une violence, ça vient du fait que justement Bolsonaro, il a fait une politique pour être élu, de pouvoir armer la société pour rendre civil l'acte de tuer l'autre. C'était ça sa campagne et c'est ce qu'il défend jusqu'à aujourd'hui. Donc cette puissance des morts qui va avec une gestion terrible de la Covid, qui met en place une ville qui est plutôt la nécroville, c'est-à-dire que c'est vraiment le pouvoir qui organise qui meurt, quand ces personnes meurent, par quels moyens. Donc on est vraiment dans une situation meurtrière très forte et très bien organisée politiquement. Mmh. Donc c'est pas du tout un hasard, c'est un projet politique de tuer les personnes, de tuer les vies. Donc évidemment, ça m'a totalement nourri, en plus du fait que lui, il a fait de Covid un comparse, un complice dans ses projets nécropolitiques. Mmh. Donc c'est vrai que ça m'inspire et c'est une manière de me reconnecter avec mon pays pour organiser aussi ma rage et rendre ma rage un peu plus lucide vis-à-vis de ces monstres, de cette personne terrifiante. Alors parler par la danse de révolution, vous dites la révolution c'est décider d'un geste de confrontation et vous ajoutez pour faire la révolution il faut revisiter notre animalité et cela effectivement ça se transcrit, ça se transmet, ça se concrétise sur scène cette animalité. Oui, je pense qu'il a déjà quand j'ai dit l'animalité c'est vraiment qu'on puisse suspendre un peu cette obsession que l'humanité développe de plus en plus d'un désir d'immortalité, d'une volonté de toute puissance. Je pense que le problème écologique ou d'autres types de problèmes qu'on traverse aujourd'hui, ça vient de cette fiction, ce délire de l'humain qui est capable d'être immortalisé, de se faire immortaliser. Donc si on pourrait se reconnecter avec l'animalité ou avec les arbres, avec les esprits, avec les peuples originaires et d'autres formes de vie qui ont été interrompues pour que l'homme capitaliste, il arrive, le patriarcat, et qu'il commence à détruire les choses, je pense qu'on pourrait initialiser, mettre au départ, démarrer un travail révolutionnaire. Donc c'est pas forcément que la révolution va avoir lieu que par la confrontation, mais justement par un travail d'alliance et de connexion et de reconnexion avec nos sources les plus profondes et les plus intimes qui nous fassent regagner le corps face à un système qui essaie tout le temps de nous séparer de nos corps au profit du capital, au profit d'une production affolée et de rendre le corps des marchandises ou des produits de soi-même. Oui. Et ça, ça a aussi à voir avec le rapport qu'on établit avec les réseaux sociaux, la circulation de l'image de soi, cet espace cet espace qui est devenu l'écran comme un foyer de fascination globale pour la banalité, pour les stupidités. Un peu comme les telenovelas là-bas au Brésil. Un peu comme les telenovelas et tout le régime de la télé. Sans doute, on ne peut pas parler de culture brésilienne sans parler de la présence des télé et de la domination que la média fait et comment la média, les médias et les grandes chaînes brésiliennes de télé, elles ont contribué à la constitution de ce coup d'État qui a vécu Dilma en 2016 et qui a organisé l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Mmh. Donc alors... évidemment, c'est la troisième partie de ma pièce, en fait. C'est aborder justement ces côtés banalisés de l'image, de l'information qui est devenue l'écran. En même temps, on sait que dans l'engagement du corps tel qu'un chorégraphe et un danseur comme vous peut le mettre sur scène, bah, le corps, quoi qu'il arrive, quelles que soient les intentions, quelles que soient les motivations, le corps a ses limites, comme la vulnérabilité, comme la faiblesse, comme la fatigue. Ah, mais je ne fais pas du tout partie de danseurs et des chorégraphes qui pensent qu'ils peuvent tout faire et que le corps, il est là presque pour faire un acte héroïque sur scène. Non, moi, je pense que justement, c'est ce qui m'intéresse d'aborder dans le travail physique, c'est toujours d'encadrer des limites, pour qu'à partir de ces limites, je puisse retrouver la force et l'inventivité. C'est-à-dire que pour moi, la limite, la contrainte, elle vient à chaque fois nourrir les possibles et faire que le corps puisse répondre. C'est la capacité à répondre du corps face à ces limites qui m'intéressent. Donc c'est la première chose, c'est de faire le constat de ce que je peux pas faire. Oui. Et de le prendre ça pas comme une faiblesse, mais comme justement une vulnérabilité, une capacité à faire avec le sensible. Et quand on parle de ce spectacle, Métropole, est-ce que vous incarnez vous-même cette métropole dans sa globalité ou vous êtes l'un de ses habitants avec des caractéristiques précises? Je pense qu'il y a les deux choses, mais le plus important, c'est que j'essaie d'incarner d'abord trois personnages qui constituent pour moi un peu la triade, le triptyque de la métropole, c'est-à-dire ce père violent, le masculin dominant. Ensuite, j'essaie d'incarner l'habitant dominé, opprimé, qui essaie de regagner son corps pour aller vers le changement de situation. Et j'ai fini un peu plus jeune, un peu plus adolescent, dominé, fasciné par l'écran. Donc cette espèce d'entité médiatisée par des réseaux sociaux, des TikTok, et ces genres de réseaux sociaux qui font qu'on fasse le moindre geste le plus stupide pour devenir une célébrité et circuler partout. Donc c'est un peu à la fois être ces trois personnages, être dans la circulation entre ces trois figures, et en même temps essayer de dégager une sensation d'une journée dans la ville. Alors je vais préciser à nos auditeurs que ce spectacle est à découvrir parce que c'est une création, c'est une première en France, organisée avec le Festival d'automne à Paris et dans le cadre d'Escale Danse en Val d'Oise. Tout cela va se produire à l'affiche de Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise. Le lieu du spectacle, c'est au Théâtre 95 à Cergy. Et cela aura lieu les mercredis 10 novembre à 20h30, jeudi 11 novembre à 19h30, vendredi 12 novembre à 20h30 et enfin samedi 13 novembre à 20h30. Je crois savoir qu'il y aura une rencontre avec l'équipe artistique à la fin de la représentation du jeudi 11 novembre, si j'ai bonne mémoire. Un spectacle qui dure presque une heure. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça, une heure. Et on disait en début d'entretien que c'est une nouvelle résidence artistique. Vous êtes un nouvel artiste en résidence à Cergy Pontoise, mais vous avez commencé à rencontrer des acteurs locaux au travers de différentes rencontres qui ont déjà eu lieu sur l'année 2020, c'est ça, à Cergy Pontoise? Oui. Oui, c'est ça. C'est déjà depuis l'année dernière, pendant que j'étais en résidence, et on faisait des ouvertures pour que le public vienne me voir au travail, ensuite entamer des discussions autour de mes pratiques. Vous avez commencé cette résidence de création aussi à la Fondation Royaumont dans le Val d'Oise. C'était au mois de juillet dernier. Tout à fait, c'était la première semaine de rencontre avec Philippe Foch, percussionniste, avant tout un temps de travail, des préparations faites en amont. Donc on a commencé au Royaumont, ouais. Vous avez rencontré, ou c'est en projet de rencontrer des étudiants de l'École nationale supérieure d'art Paris-Cergy aussi, autour d'un projet artistique qui va, comment dire, mettre 5 étudiants en activité sur ce projet. Il y a aussi une rencontre avec le master de création littéraire à CY sur l'université de Cergy-Pontoise pour un projet d'écriture. Il y a de nombreuses rencontres, je ne vais pas toutes les énumérer aujourd'hui, mais dernière chose, quelle est la signification pour vous de cette résidence artistique pendant ces 3 années à Cergy-Pontoise et à Point Commun tout particulièrement? C'est exactement tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est la possibilité de nourrir un territoire et de me sentir aussi nourrir par ce territoire, par les échanges qu'on va faire à plusieurs endroits, que ce soit sur la modalité de workshop, des ateliers, des rencontres avec le public. Ça, c'est sans doute la chose la plus pertinente qui va avec la création, c'est pouvoir vraiment rayonner dans les territoires et pouvoir démultiplier le partenaire au profit d'une création qui est élargie, qui n'est pas que celle du studio avec mes projets, avec mes équipes, mais aussi avec les habitants dans un échange direct, dans la rencontre immédiate avec les personnalités les plus variées qu'on peut retrouver dans une ville. Et je pense que cette coopération ou cet abordage qui est plus, cette approche qui est plus pluridisciplinaire, il est capable de vraiment faire grandir la pertinence des artistes dans un territoire. Eh bien, on est très heureux de vous accueillir sur ce territoire, sur Cergy-Pontoise et au-delà, sur le Val d'Oise, comme il vient d'être précisé. Bienvenue en tout cas dans notre département. Et dernier mot, vous avez choisi une musique pour conclure cet entretien. Oui, bien sûr, Señor Ciudadano, ça veut dire Señor Citoyen. C'est une musique très très importante pour moi et je pense que pour la culture musicale au Brésil, qui a été créée en 1972 par Tom Zé, qui essaye vraiment justement d'expliciter une certaine notion de la citoyenneté et de l'espace urbain à ces moments au Brésil, c'est-à-dire que nous sommes dans la dictature au Brésil et comment est-ce que le comportement et la vie, elle était organisée par le début d'un capitalisme militaire où on voyait déjà des prismes ou des principes d'un individualisme porté par la compétition ou un rapport entre la richesse et le pouvoir, comment la vie elle devenait amère pour cet habitant de cette période-là et que je trouve une résonance assez forte avec l'époque contemporaine dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et cette musique fait partie aussi du spectacle, je l'ai choisie parce qu'elle raconte bien avec beaucoup de poésie un état d'aliénation et d'exploration assez fort qui a quand même constitué une grosse partie de l'histoire de mon pays. Un grand merci, Volmir Cordero. On vous retrouve donc à Cergy-Pontoise du mercredi 10 novembre au samedi 13 novembre avec différentes représentations et différents horaires. C'est au Théâtre 95 à Point Commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. À bientôt, merci à vous. À bientôt, merci beaucoup.